Ma plume sème le rejet des fautes commises. Et comme je ris toutes les choses que j'ai omises de faire, je les écris, les décris, espérant que les rapper pourra faciliter mes prières. Ok, 2009, TS9, le micro comme parloir. Ok. Un son bien lourd, histoire de bien représenter le nouveau scud. Quatrième opus, le micro comme parloir, ok. T'as vu, c'est un son lourd, histoire de bien représenter, histoire de pouvoir présenter le nouveau scud en dignité. Je vois le monde comme une prison, l'homme comme un maton, la musique comme un couloir et le micro comme un parloir. Bienvenue dans l'arène, c'est un son de gladiateur. Mon colisée décharge la haine et mes phrases contre l'empereur. Moi c'est TS9 et je suis armé jusqu'aux dents. Je me bats avec ma plume, le rap n'est pas juste un passe-temps. J'écris pour évacuer toutes les galères accumulées. L'état, misère sont accouplés, je suis sur le banc des accusés. Je cherche pas juste là à faire de la pub pour le rap, juste exprimer nos torts, les moments de vie où on dérape. Pour ma part, j'ai choisi de tâter le stylo, de composer des sons où je vais poser mon flow. Chercher à me vider l'esprit car la haine s'accumule. Décharger ma rage dans les vers est quelque chose qui me stimule. Dénoncer des faits, des trucs qui me vénèrent. Représenter les poteaux, big dédicace à MLR. J'aime le rap, j't'avoue, mais t'as dû le remarquer. Je veux laisser une putain d'empreinte que je puisse me démarquer. En tant que rap conscient et pas juste un commercial. En tant que rap saignant car j'ai une putain de dalle. Que t'apprécies mes sons et qui te donne une force. Que tu te dis c'est du bon, c'est du lourd. Le que ça morce, ça morce, ça morce. Ouvre grand tes oreilles, je ne parlerai qu'une seule fois. Ce sera le seul couplet du scud où je parlerai de moi. TS c'est moi-même, S c'est mon cœur, 9 c'est mon dieu et langue c'est ma sueur. C'est propagande légale qui m'a tout appris, qui a découvert ma plume et a remplacé la scène-ci. Elle a changé celle-ci, m'a donné un nom d'album. Je comprends de l'ampleur mais ne veux pas être le bonhomme. Mon dieu, aide-moi à rester modeste. Je ne veux pas être comme tous ces gens que le respect délaisse. Tu veux comprendre le titre, alors ouvre tes yeux sur le monde. L'être humain est une prison et la folie l'abonde. Il n'y a plus de liberté de réfléchir comme de penser. Le micro est un parloir, la musique peut nous délivrer. La télé rend les gens drogués fous et fous. La société rend les gens drogués sous et sous. Le sexe rend les gens homo et pédophiles. Et le sport cache les gens d'une terre qui se défile. Et là tu prends un coup sur le crâne et sur le cœur. Et là tu sens ton pouls en panne et tu as peur. J'ai cassé tous tes délires en une seule phrase. Une seule prose, ce système en terminale avec toi et sa phase. Alors avant même de critiquer, de dire que c'est du bon ou du mauvais, penche-toi sur le texte en y mettant l'envie, la sagesse et le temps. La voix et l'instru en sont l'écho qui habille l'écriture de leurs égos. Je veux te glacer le sang, ce qui est dit est de loin le plus important. La remise en question de soi-même, devenir le Moïse des temps modernes. Approcher la vérité un peu plus chaque jour et la pénétrer jusqu'à en connaître les contours. Je rappe par besoin de me confier, je rappe pour vous dire ma vérité. Je rappe pour ne pas me faire manipuler, je rappe car les mots me font vibrer. Je rappe depuis maintenant 10 années, avec un œuf sur le corps que j'ai gravé. Je rappe car c'est ma liberté, et je rappe sans devoir me justifier. Je rappe pour certains salement, et je rappe pour d'autres si seulement. Je rappe et que cela aide les gens, que cela porte amour et sang. Je rappe avec la force des mots, et je rappe depuis que je suis tout petit. Je rappe pour les sages et les fachos, et je rappe car l'écriture c'est ma vie. L'écriture c'est ma vie, l'écriture c'est ma vie, l'écriture c'est ma vie, l'écriture c'est ma vie, l'écriture c'est ma vie. Tu parleras d'un rap banal, pas de celui qu'on verra dans les annales. Mais c'est un rap qui vient du cœur. Il m'arrive parfois d'écrire avec des pleurs. Les mots appartiennent à tout le monde. Tu peux t'en amuser à l'infini. Chacun peut posséder l'écrit, rimer les mots, les saccager avec modestie. Le principal c'est qu'ils viennent de toi. Si je peux, c'est que tu peux faire comme moi. Je t'encourage à participer à mon art, mais n'aie pas peur des critiques de bâtards. Si tu comprends toutes tes proses, c'est qu'il n'est pas encore trop tard. Chacun sa vision du monde et de la plume, que tu la vois légère ou comme une enclume. Mais y de la sagesse et la force d'une guerre, et tu verras l'acclamation de la langue de Molière. Elle t'aidera dans ta vie de tous les jours, elle t'apportera sagesse, pleurs et amour. Elle t'apportera plus que ce que tu n'as jamais eu, et après ça ta vie banale t'aura déçu. Tu verras plus loin que la majorité des gens, la plume ne vit pas mais elle t'aide tant. Je rappe tout simplement pour l'amour de la poésie et du chant. Je rappe car l'écriture et ma voix sont accordées. Attends seulement que l'inspiration vienne t'aborder.